L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La source de rayons X qui domine toute la galaxie d'Andromède vient d'être identifiée. Il s'agirait d'un seul et unique pulsar, nommé Swift J0042.6 plus 4112. Cette mise en évidence a été effectuée avec le télescope spatial New Star. J0042.6 semble bien être un pulsar dans un système binaire, de ceux dont le pulsar accrète de la matière à son étoile compagne, jusqu'à former un disque de gaz fortement échauffé qui rayonne donc en rayon X. Son spectre en rayon X, mesuré par New Star, est en tout cas très similaire à celui d'un tel système. Miyoko Yukita, l'auteur de cette étude, résume: nous ne savions pas ce qu'était cette source X avant que nous l'observions avec New Star. Il faut dire que l'existence de cette source X intense était connue depuis longtemps, même si sa nature était encore inconnue. C'est dans les années 1970 qu'elle a été détectée pour la première fois dans les basses énergies de rayons X par le télescope spatial Einstein Observatory, à proximité du centre de la galaxie d'Andromède. Depuis, d'autres télescopes spatiaux spécialisés dans la détection des rayons X l'ont également détecté à plus haute énergie, comme Chandra X-ray Observatory et XMM Newton. Mais c'est grâce aux observations combinées de Swift en 2013 et de New Star plus récemment, notamment grâce à la forme du spectre des rayons X, que les astrophysiciens sont enfin parvenus à comprendre l'origine de ces rayons X de haute énergie. À ces énergies, jusqu'à une vingtaine de kiloélectronvolts, J0042.6 apparaît être l'objet le plus brillant de toute la galaxie M31. Yukita et ses collaborateurs publient leur étude dans The Astrophysical Journal. Ils montrent que la source de rayons X à basse énergie et la source de rayons X de haute énergie ne font qu'une. Le spectre montre bien deux composantes, avec une composante à haute énergie qui subit une coupure brutale vers 20 keV, typique des accrétions de pulsars. Malheureusement, les données ne permettent pas d'identifier de pulsations, ce qui apporterait une preuve directe de la nature de la source. Mais d'autres observations, avec Hubble notamment, permettent d'exclure la présence d'un objet compact de plus de 3 masses solaires. Or, classiquement, les astronomes estiment que des rayons X d'aussi haute énergie ne peuvent qu'être produits par un disque d'accrétion de trous noirs massifs. Mais ici, la masse impliquée serait trop faible pour être ce genre de trou noir, et c'est donc l'hypothèse pulsar qui a les préférences de Yukita et son équipe. D'ailleurs, ce pulsar montre une luminosité à haute énergie qui est supérieure à celle de tous les trous noirs de la galaxie d'Andromède, y compris le trou noir supermassif de la galaxie, qui ne montre pas d'émission X aussi intense. Cette très grande luminosité de J0042.6 est inattendue. Le fait qu'un seul pulsar peut dominer à lui seul l'émission X à haute énergie d'une galaxie entière montre combien ces systèmes binaires ont une importance dans les galaxies. Il est d'autant plus intéressant d'observer une telle source dans notre galaxie voisine, qui est la galaxie d'Andromède, car elle est très similaire à notre galaxie. Observer Andromède est un moyen indirect et plus aisé d'étudier notre propre galaxie. Notre galaxie possède-t-elle, elle aussi, une source intense de rayons X de haute énergie ? Il semble que non pour le moment, mais on n'est jamais sûr de rien. L'article de Miyoko Yukita et son équipe est paru dans The Astrophysical Journal, volume 838, en date du 22 mars 2017. Et il a pour titre « Identification of the hard X-ray source dominating the E superior to 25 keV emission of the nearby galaxy M31 ». Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des pulsars se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube. Et toujours sur le blog Ça se passe là-haut lui-même.